Amis du rock, bonjour, bienvenue en ce lundi 11 septembre pour un nouveau voyage au cœur de la musique en compagnie de Jean-Marie et son émission Living in the Past. Durant 3 heures ensemble, nous allons revisiter la petite et la grande histoire du rock et de la pop de ces 50 dernières années. Et cette semaine, comme cette semaine, il va faire un temps à ne pas mettre un moucronois dehors. Heureusement, il y a la musique et RQC pour vous tenir compagnie, que ce soit chez vous, au boulot, dans votre véhicule, que ce soit en direct sur la bande FM ou via Internet ou en différé via le podcast présent sur notre site rqc.be. Nous avons démarré ces 3 heures d'émission avec Yes et Owner A Lonely Heart, extrait de l'album 90125. Ce titre est le 11e album studio du groupe Yes. Il était sorti le 14 novembre 1983. Ceci dit, j'ai choisi ce groupe pour démarrer l'émission, pour célébrer ces 50 années de carrière. Et ce morceau que nous venons d'écouter, c'est le premier et le seul qui sera classé numéro 1 du groupe. Le titre de l'album, c'est en fait tout simplement le numéro de catalogue attribué au disque qui se retrouve sur le code-barre de la version vinyle originale. Très bien, Georges, nous apprécions votre humour, mais nous aimerions vraiment savoir à quoi sert ce machin-là. C'est une machine à explorer le temps. Un grand modèle pourrait transporter un homme. Living in the past. La machine à remonter le temps. J'ai rêvé que je voyageais dans le passé. Vous êtes tombé, votre tête a heurté la château. Et c'est en vous relevant qu'il vous est venue l'idée de construire le convecteur temporel qui rend le voyage dans le temps possible. Let's go. I want Et nous étions à l'instant avec John Mellencamp et deux extraits enchaînés de l'album American Fool qui, figurez-vous, est sorti un 11 septembre, le 11 septembre 1982 pour être tout à fait précis. Et John Mellencamp deviendra le premier artiste masculin à classer deux titres d'un même album dans le top 10 américain à 23 ans d'intervalle. En effet, le premier titre que nous avons écouté, Hurt So Good, sera classé en 1982 lors de la sortie de l'album. Quant à American Fool, il figurera en bonus sur la version remasterisée du même album, sortie en 2005. On va maintenant écouter Peter Tosh. Vous vous souvenez, ce nom vous dit sûrement quelque chose. Peter Tosh est en effet l'un des fondateurs des Wailers, la célèbre formation qui a accompagné Bob Marley tout au long de sa carrière. Et le 11 septembre 1987, cet immense artiste était malheureusement assassiné chez lui lors d'un règlement de compte. Au-delà de sa participation aux Wailers et de ses création reggae et ska, on se souvient aussi d'un duo célèbre avec Mick Jagger, Don't Look Back. Just have to face. Oh, if you just put your hand in mine, we're gonna leave all our troubles behind. We're gonna walk and don't look back. Don't look back. Gonna walk and don't look back. Don't look back. Now, if your first lover let you down, something that can't be done. Tell her what to do, bro. Don't hear your faith in love, remembering what become. Don't hear your faith in love. walk. Don't you still got some more to walk, man. I know, I've got a long way to go. I'm getting kind of tired, but I got to keep on walking. I'm walking barefoot. You know. Keep on walking. We got to walk and don't look back. And keep on Peter Tosh, Don't Look Back. Et on est maintenant en 1986. On retrouve Peter Gabriel qui, cette année-là, rafle la mise aux MTV Awards. Imaginez, meilleure vidéo masculine, meilleur concept vidéo, meilleurs effets spéciaux et 5 autres prix pour ce splendide titre Sledgehammer. Thank you. Peter Gabriel, Sledge Hammer, sur l'album So de 1986. On reste bien entendu pour notre séquence anniversaire le 11 septembre, mais on part en 1996. En 1996, Noel Gallagher décide de quitter le groupe Oasis en pleine tournée américaine, déjà à l'époque à la suite d'une dispute avec son frère Liam. Il a donc pris ses affaires à l'hôtel et monté dans le premier avion venu en direction de Londres. C'est aussi simple que ça. Les relations orageuses au sein du groupe Oasis entre les frères ennemis dureront d'ailleurs jusque 2009, l'année où ils décideront enfin de se séparer définitivement. Les relations fraternelles entre eux ont toujours été houleuses. On ne compte plus le nombre de fois où ils se sont chamaillés, et c'est encore le cas d'ailleurs maintenant. Entre eux, c'est un peu comme « je t'aime moi non plus ». Et voici maintenant le groupe Oasis, A Bell Will Ring. Shine on you again. A bell will ring inside your head, and I will be brand new. Come alive, come on in. Something at you now. The world's as wide as your life is thin. C'était donc Oasis, A Bell Will Ring, extrait de leur album Don't Believe the Truth. Voici l'heure maintenant de célébrer quelques anniversaires de nos artistes préférés. Tout d'abord, bon anniversaire au fameux DJ new-yorkais devenu musicien puis phénomène de société, j'ai cité Moby. Ensuite, Richard Ashcraft, le guitariste et chanteur du groupe The Verve, gagne aujourd'hui une année de plus. avec son groupe. Il avait sorti l'album Urban Hymns en 1997, qui était resté plus de 100 semaines classé dans les hit parades. Pas mal, non? On écoute maintenant Moby. Porcelain. On reste un peu dans la veine classique pour retrouver The Verve, Bittersweet Symphony. ...9h35 sur les ondes d'RQC. Nous refermons notre séquence anniversaire avec ce titre The Verve Bittersweet Symphony, extrait de leur célèbre album Urban Hymns. Et poursuivre une petite séquence de circonstances. En effet, je ne vous apprends rien, on est en pleine période de rentrée scolaire. Nos petits-enfants ou enfants ont regagné le chemin de l'école. Il ne reste plus que ceux qui siègent dans les hautes écoles et à l'université à reprendre le chemin, à retrouver le chemin de la faculté. Et l'école a toujours inspiré les musiciens. que ce soit des souvenirs de chouettes moments passés entre amis, des moments d'innocence ou alors des moments d'oppression, de persécution et de solitude. Et ce thème en a influencé plus d'un. Et en cette période de rentrée, je vous propose d'évoquer ce thème de l'école dans l'histoire du rock et de voir comment nos artistes préférés ont vécu ou enduré ou apprécié leur passage à l'école. Petit retour donc sur les bancs d'école. Alors, quand on évoque l'école et la musique rock, un titre nous vient directement en tête que l'on aime, enfin si l'on aime le rock'n'roll. Sorti durant l'été 1972, School's Out d'Alice Cooper s'est rapidement imposé dans les pays anglo-saxons ainsi que chez nous comme l'hymne du début des vacances. Et pour donner un côté authentique au titre, le producteur Bob Ezrin aura la bonne idée d'inviter une chorale d'enfants en studio. Et ça inspirera d'ailleurs ce même producteur Bob Ezrin 7 ans plus tard lorsqu'il sera cette fois avec Pink Floyd pour enregistrer l'album The Wall. Comme on parle de The Wall et plus particulièrement de ce titre Another Brick in the Wall, sachez que Roger Waters, le bassiste, chanteur et compositeur principal de l'œuvre, a été quelque peu traumatisé par l'école, et notamment par des professeurs aux allures de véritables tyrans. Oh les méchants! Et d'après Waters, c'est en voyant les enfants rejoindre le studio que ce titre futur classique de l'histoire du rock a pris tout son sens. Plus de 30 ans plus tard, lorsque Waters, sans les Pink Floyd cette fois, lancera une gigantesque tournée baptisée The Wall, il prendra d'ailleurs soin, tous les soirs, d'inviter la chorale d'une école locale pour agrémenter la prestation de ce Another Brick in the Wall. No dark sarcasm in the classroom. Teach Alice Cooper, Schools Out, en 1972, sur l'album du même nom. Et donc, comme on l'a vu, l'école peut être vécue comme traumatisante, mais elle peut aussi apporter son lot de bonheur, de plaisir et de découvertes agréables. Et puis parfois, des étudiants tombent amoureux. Ils sont physiquement attirés par leur professeur. C'est ce que nous raconte ce classique du groupe metal Van Halen avec Hot for Teacher en 1984. « Je suis chaud pour la prof », nous chante-t-il, tout un programme. Et pour réaliser le clip, le chanteur David Lee Roth va prendre beaucoup, beaucoup de plaisir. Il va en effet choisir une créature de rêve, une certaine Lillian Müller, un mannequin norvégien particulièrement en vogue dans les années 80, qu'on avait d'ailleurs vu déjà dans le clip de Rod Stewart, « Do you think I'm sexy ?» de tout un programme donc. Living in the past. Tout en métal. We'll be right back. man, I think the clock is slow. I don't feel dirty. Je vous prie de bien vouloir excuser cette petite hésitation pour le lancement de cet énergique Heart for Two Teacher de Van Halen. La thématique du classique de Police, on passe à un autre groupe mythique. Donc la thématique du classique de Police, Don't Stand So Close To Me, est d'ailleurs assez semblable à ce titre de Van Halen, Heart for Teacher. Cependant, le thème est ici inversé, car dans ce cas-ci, c'est un professeur qui est attiré par une de ses élèves. Et dans les paroles, Sting fait référence au célèbre roman de Nabokov. Sting, ayant été lui-même professeur au début de sa carrière professionnelle, certains fans ont cru qu'il faisait référence à une histoire personnelle. Mais en 2001, dans une interview, il expliquera qu'il s'agit d'une pure fiction inspirée par Nabokov et pas du tout d'une expérience personnelle. Et puisque nous le croyons sur parole, je vous propose de l'écouter maintenant dans ce titre « Don't Stand So Close To Me ». Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now, this girl is half his age. Temptation. Police, Don't Stand So Close To Me. Ah, l'école et ses méthodes pédagogiques plus variées les unes que les autres. École de la vie, école de l'amour, comme nous venons de l'évoquer à l'instant, mais aussi école du péché et de la souffrance. L'enseignement peut en effet être la source d'un véritable traumatisme. C'est le cas de Neil Tennant, chanteur multi-instrumentiste et membre du duo Pet Shop Boys aux côtés de Chris Lowe. Il évoque dans le hit It's a Sin de 1987 l'éducation très dure qu'il a reçue dans une école catholique du nord-est de l'Angleterre. Neil Tennant précisera qu'il s'agit pour lui de s'exprimer dans ce titre sur cette période où tout ce qui représentait du plaisir était vu comme péché. Tennant a écrit ce morceau très rapidement, en l'espace de quelques minutes à peine, une façon pour lui de sortir ses frustrations et sa colère. Quant à Morrissey aussi, il se souvient de cette époque, de cette peur qu'il éprouvait en tant qu'élève, victime de violences physiques de la part de certains professeurs. Oui, on l'oublie un peu, mais les sévices corporels étaient admis à une certaine époque. Et dans le titre « The Headmaster Ritual », le rituel de directeur d'école, Morrissey, au sein des Smiths en 1985, relatait tout son ressentiment. Et d'une façon beaucoup moins violente au niveau du texte, le titre « School » de Supertramp raconte également la rébellion de Roger Hodgson, chanteur et guitariste du groupe, contre le système scolaire. Hodgson, y évoque la soumission de l'élève face au professeur. Servitude qui se poursuivait même à la maison lorsque ses parents lui ordonnaient d'obéir aveuglément aux enseignants. Et parce que les règles sont faites pour être détournées et qu'on adore ça ici dans l'émission Living in the Past, on se fait un petit péché mignon en réécoutant successivement les Pet Shop Boys, les Smiths, sans oublier bien sûr Supertramp. Living in the Past. De la pop en stock. We'll be right back. C'est 95 FM. Teacher tells you stop your playing, get on with your work. Johnny Too Good. Don't you know he never shirks? He's coming along. Après cet enivrant School de Supertramp extrait de l'album de 1974 Crime of the Century, Abordons maintenant dans notre saga scolaire la popularité à l'école, la nostalgie des années d'innocence et enfin un énorme couac marketing. Retour d'abord dans les années 50 avec ce classique de Jerry Lee Lewis, High School Confidential, suite à l'énorme succès de Great Balls of Fire en 1957. Jerry Lee Lewis nous revient en forme ici avec un titre qui nous ramène à l'école. Et puissant et énergique, il n'arrivera toutefois pas à se hisser aussi haut dans les charts que Great Balls of Fire, et ce pour la simple et bonne raison qu'il sortira à une très mauvaise période pour le musicien. En effet, au moment de la sortie, on apprend le mariage de Jerry Lee Lewis avec sa cousine Myra Gail Brown, âgée alors de 13 ans, vous imaginez. Apprenant cela, Sun Records, le label de Jerry Lee Lewis, décida de suspendre tout simplement la distribution du titre en radio et il restera donc coincé à la 21e place des classements. Près de 40 ans plus tard, en juin 1996, les New Yorkais de Nada Surf évoquent aussi l'école avec leur titre « Popular ». Le narrateur a la chance de faire partie des populaires en opposition avec les rejetés de la classe, représentés par un autre groupe de 90s, Limp Bizkit, et son titre « Nookie » de 1999. Mais revenons à Popular de Nada Surf, dont le clip sera réalisé dans une école de New Jersey. Le titre sera diffusé massivement sur MTV à l'époque. Il a été enregistré au mythique studio Electric Lady de New York, un studio conçu par le non moins célèbre Jimi Hendrix. Restons dans le début des années 90 et terminons sur une note positive. On découvre alors ce qui sera l'unique tube des Connells, à savoir la ballade 74-75, un titre apaisé. À propos de l'adolescence et des années d'école, il dépeint cette période révolue avec nostalgie, à l'instar du clip qui nous montre des photos de portraits photographiés de nombreuses personnes à 20 ans d'intervalle. Mais voici pour débuter Jerry Lee Lewis, High School Confidential. Open up, honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar? All the cats are at the high school rocking. Honey, get your bopping shoes before the jukebox blows the fuse. Everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Well, bopping at the high school hop, making at the high school hop. Hopping at the high school hop, rocking at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bobbing, bobbing at the high school hop. Come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Ooh, let's together with the sugar, let's shake it up tonight. Well, my heart's a beating rhythm and my feet are moving smooth and light. Well, bobbing at the high school hop, bobbing at the high school hop, shaking at the high school hop, moving at the high school hop. Everybody bopping, everybody rocking, bopping at the high school hop. Now let's go! Well, now let me tell you something, baby, I'm gonna give you some good news. Yeah, speak to mama, let the burner off my shoes. Yeah, my heart's a beating rhythm, my soul is singing the blues. Well, I'm bopping at the high school hop, bopping at the high school hop, jumping at the high school hop, we're rolling at the high school hop. Well, everybody's hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Now let's go! Woo! We'll be right back. everybody hopping, flopping at the high school hop. Living in the past. Mad in rap. Catch. Où naviguent les ondes libres? RQC 95 FM. Le seul compromis, la bonne musique. You're really only after Et après ce sympathique 74-75 des Connells, un titre de 1993 sur l'album Ring, dans notre rubrique consacrée aux rockers et l'école, partons maintenant en 1991. Le groupe Pearl Jam triomphe alors avec son album Ten. Aux côtés de Nevermind de Nirvana, Ten se pose comme un des albums définitifs du mouvement grunge, dont seront extraits plusieurs singles. Il y a bien sûr l'inoubliable live, mais il y a aussi Jeremy, un titre qui nous ramène à un terrible événement survenu au Texas. Nous sommes alors, à une époque où les épisodes de violence à l'école se multiplient malheureusement dans les collèges américains. Et Jeremy raconte précisément le drame survenu le 8 janvier 1991. Un certain Jeremy Dale, âgé de 16 ans, se suicide devant ses camarades durant les cours d'anglais à la Richardson High School. Il se tire une balle dans la tête pour se venger de ses condisciples qui ne cessent de le harceler. Et malheureusement, le suicide des jeunes, notamment à l'école, reste d'une brûlante actualité. Voici Jeremy Pearl Jam. Oh, Jeremy, Pearl Jam. Et pour clôturer cette séquence, retrouvons maintenant le boss, Bruce Springsteen, sur son premier album solo intitulé Greetings for Ashbury Park, New Jersey. Bruce Springsteen évoque son adolescence et ce passage de l'enfance à l'âge adulte a été compliqué pour lui, notamment dans les différents établissements scolaires qu'il a fréquentés à l'époque. Et ses professeurs le décrivaient d'ailleurs souvent, je cite, comme un enfant solitaire qui ne voulait rien faire d'autre que de jouer de la guitare. Surprenant, non. Passons maintenant aux Ramones. En 1979, ils écrivent un morceau spécialement pour les besoins d'un film. Ce morceau sera baptisé, comme le titre du film d'ailleurs, Rock and Roll High School. Et ce titre est on ne peut plus punk dans sa thématique. Thématique du genre « J'en ai rien à foutre de l'histoire, je déteste les profs et le directeur, tout ce que je souhaite, c'est de me taper quelques filles, histoire d'allier l'utile à l'agréable. » Voici tout d'abord Bruce Springsteen, « Growing Up ». I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade. And I combed my hair till it was just right and commanded the night brigade. I was hoping to faint and crushed by the rain, and I walked on a crooked crutch. I strode all along to a fallout zone, came out with my soul untouched. I hid in the clouded wrath of the crowd. When they stretched it down, I stood up. From my mast, my sails were set wing to wing. I had a jukebox graduate for first mate. She couldn't sail, but she sure could slam. And I pushed B-52 and bombed them with the blues. With my gear set stubborn on standing, I broke all the rules, straight my old high school. Month-long vacations in the stratosphere, and you know it's really hard to hold your breath. Swear I lost everything I ever loved or feared. I was a cosmic kid in full costume dress. But my feet, they finally took root in the earth. But I got me a nice little place in the stars. Yeah, and I swear I found the key to the universe. Et c'est avec ce titre des Ramones, Rock'n'Roll High School, que nous refermons pour aujourd'hui, momentanément en tous les cas, ce large chapitre consacré au rock et à l'école. Il est environ 10h54 minutes. Si vous débarquez maintenant sur les ondes d'RQC, bienvenue. Vous arrivez à un excellent moment puisque on va aller donner la place maintenant, céder la place maintenant à une rubrique qu'on a entamée voici 15 jours, consacrée un peu à l'histoire, à la découverte ou à la redécouverte d'un style musical principalement européen qui a inondé les ondes dans les années 70 et 80 et qui se perpétue encore maintenant. Il s'agit de la musique progressive. Et aujourd'hui, je voudrais insister sur un point, c'est surtout dans les structures et les modes de la musique classique que les interprètes de musique progressive sont allés puiser pour opérer cette transfiguration de la pop musique, même s'ils n'hésiteront pas non plus à puiser leur inspiration dans d'autres styles et genres musicaux comme le jazz, la musique contemporaine, la musique électronique et aussi d'ailleurs la tradition folklorique des îles britanniques. Nous prendrons le temps dans les semaines à venir d'illustrer tout cela, mais pour l'heure, voici un morceau qui n'est autre qu'une relecture et une réinterprétation originale d'une œuvre issue du répertoire de la musique classique. Il s'agit de Pictures at an Exhibition, une œuvre du compositeur russe Moussorgsky, Pictures at an in Exhibition, qu'on traduit en français par tableau d'exposition. Attention, on est parti pour 15 minutes de musique ininterrompue. Bon voyage! We'll be right back. from tortured dreams, childhood themes of nights alone. Wipe away endless years, childhood tears as dry as stone. From seeds of confusion, illusions, dark blossoms have grown. Even now, in furrows of sorrow, the doubt still is sown. My life's course is guided, decided by limits drawn on charts of my past ways and pathways since I was born. I carry the dust of a journey that cannot be shaken away. He lives deep within me, for I breathe it every day. Yesterday's answers, the earth of the past come to flesh. Eroded by time's rivers, to the shapes we now possess. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce morceau de bravoure d'Emerson, Lake and Palmer, qui sur son album de 1971, Picture at an Exhibition, reprenait ou réinterprétait, réinventait l'œuvre du compositeur russe Modeste Moussorgski. Et à propos de ces tableaux d'exposition, on peut dire que, en fait, la musique de Modeste Moussorgski évoque la visite imaginaire d'une collection d'art. Les titres des différents mouvements font allusion à des œuvres de son pote et ami trop tôt disparu, artiste avec lequel il a partagé d'ailleurs la cause de l'art russe. Il s'agit de Victor Hartmann. Voilà, c'est ainsi que qu'on referme pour aujourd'hui notre petit périple pour retracer les grands moments de l'histoire de la musique progressive. Place maintenant à une autre rubrique, notre album du jour. Et pour cela, on se replonge maintenant en 1986. Et avec l'album Slippery When Wet de Bon Jovi. Et pour cet album, il fera appel à un nouveau producteur, Bruce Fairbairn, et à Bob Rock pour le mixage. Comme ils sont tous deux canadiens, bien les sessions d'enregistrement se dérouleront tout naturellement dans un studio à Vancouver de janvier à juillet 1986. Autour du chanteur, guitariste et leader Bon Jovi, on retrouve pas que des manchots. Hein. Il y avait Richie Sambora à la guitare, David Bryan au clavier, Alec John Such à la basse et Tico Torres à la batterie. Et leurs deux premiers albums et le titre phare Runaway avaient déjà attiré un large public fidèle à Bon Jovi sur les trois continents. Mais avec cet album Slippery When Wet, cet album Slippery When Wet, dis-je, va permettre à Bon Jovi et à ses musiciens d'accéder au rang de star mondial. Avec des tubes en puissance. En effet, John Bon Jovi et Richie Sambora monteront d'un cran la qualité de leur composition et détermineront le son du groupe, hein, du hard rock tendance mainstream FM. Et ils co-écriront à deux, voire parfois à trois, sur quatre titres forts de cet album. J'ai cité You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, Without Love, and I Die for You. Nous, des titres que nous écoutons maintenant. Living in the Past, l'album du jour. le premier single extrait de l'album You Give Love Batman, avec lequel nous avons entamé cette évocation, offrira pour la première fois la tête des charts américains Bon Jovi en novembre 1986. Quant à Living on a Prayer qui suivait, il deviendra aussi un énorme tube avec cet inoubliable riff à la basse très funky. Cette chanson, d'ailleurs, parle d'un couple issu de la classe ouvrière, Tommy et Gina. Le premier a perdu son boulot de docker suite à une grève, et grâce au travail de Gina, serveuse dans un wagon-restaurant, le couple parvient quand même finalement à joindre les deux bouts. Tommy et Gina vivent de leur amour et de leurs prières dans l'espoir que tout s'arrange un jour. C'est-il pas beau tout ça ? Quant au titre de l'album, il ne fait référence à aucun morceau. Il s'agit en fait d'une expression anglaise courante qui figure sur des panneaux d'avertissement dans les endroits publics lorsque le sol est glissant. En fait, Bon Jovi s'est inspiré d'une virée dans un club de striptease où ces dames exécutaient leurs numéros de façon savonneuse. Et à sa sortie, cet album se vendra 17 millions d'exemplaires. Et oui, le groupe malheureusement succombera à toute une série d'excès et Bon Jovi se mettra régulièrement en mode pause pour renaître quelques années plus tard. Et depuis novembre 2014, Richie Sambora a définitivement et officiellement quitté le groupe. Living in the Past. L'album du jour. Living in the Past. L'album du jour. Et on poursuit toujours avec Bon Jovi, Without Love. I won't be afraid no more. Without love.

décidé aujourd'hui de la consacrer à un groupe que j'aime particulièrement bien. Il s'agit du groupe Eiffel. Et au départ, ses membres fondateurs, que sont Romain et Estelle Humeau, et qui sont unis aussi bien à la scène que dans la vie, ont tous deux une solide formation classique. Et c'est dans le courant des années 2000 que cette formation de la région bordelaise trouvera progressivement et enfin son identité en évoluant d'un style pop mélodieux et raffiné qui se situait un peu entre les Kinks et XTC vers un rock à la noirceur véhémente hérité de groupes français comme les Nus, Marquis de Sade ou plus connu Noir Désir. Mais il s'inspirera aussi des Pixies de Frank Black. D'ailleurs, le nom du groupe est tiré d'une chanson de ce groupe. Je vous la ferai écouter un de ces quatre. Et cette chanson s'appelle Alec Eiffel. Et elle est d'ailleurs présente sur l'album des Pixies Trompe le Monde. Pour clôturer cette séquence, voici un second titre de Eiffel, Place de mon cœur. Sure. Place de mon cœur, le groupe Eiffel clôturait notre séquence le rock made in France et place maintenant sans tarder à notre agenda des concerts. J'ai pointé quatre concerts intéressants dans la première quinzaine du mois de novembre. Il y a tout d'abord Popa Chubby le lundi 13 novembre qui se produit au Spirit of 66 à Verviers. Texas, le mardi 14 novembre, sera à Forêt Nationale. Christophe, lui aussi, le même jour, sera à Bruxelles, mais à l'ancienne Belgique, donc le mardi 14 novembre. Et enfin, trois jours plus tard, le vendredi 17 novembre, c'est au tour de Status Quo, mais en version unplugged, puisqu'ils ont coupé le courant, il n'y a plus d'électricité chez Status Quo, et ils se produiront au Status Quoburg d'Anvers. Mais voici pour débuter Popa Chubby, Sweet Goddess of Love and Beer. Sweet, sweet goddess of love and beer. Where you stand in your castle, you stand all alone, locked in your world of heartache and foam. Listen to me, baby, my words soft and clear, my sweet, sweet goddess of love and beer, yeah. Oh, yeah. Goddess of love and beer, sweet goddess of love and beer, whoa, sweet goddess of love and beer. Baby, baby, I'm down on my knees, need your loving, baby, gotta quench my thirst, please. I drink your loving, my pain disappear, my sweet, sweet goddess of love and beer. Oh yeah, gotta heal me. Oh yeah, sweet goddess of love and beer, sweet goddess of love and beer, whoa, whoa. Sweet goddess of love and beer, whoa, whoa. Sweet goddess of love and beer, whoa, sweet goddess of, yeah, yeah, yeah. Tes sensations dans une vie où je sens, où je plonge pour te jouer. Ta musique. Ta génération. Ta génération. RQC. Et voici maintenant Christophe qui nous berce avec sa Tangerine, extrait de l'album de 2016, Les Vestiges du Chaos. Saturn, oh, follow the Indian, celebrate their Lord. Aurait probablement reconnu sur ce titre de Christophe Tangerine la prestation d'Alan Vega. Alan Vega, considéré comme un des précurseurs du punk rock. Alan Vega, un artiste qui est décédé le 16 juillet dernier et qui, peu de temps avant son décès, avait collaboré avec Christophe à la réalisation de ce titre. On va maintenant poursuivre en musique, toujours avec les Status Quo, Whatever You Want, après ceci. RQC, de la radio à gogo. Thank you. Status Quo et un de ses titres vedettes, Whatever You Want, Status Quo, qui donc, pour rappel, sera présent le vendredi 17 novembre au Stade Schouwburg d'Anvers. Voilà, les 12 coups de midi ont résonné déjà depuis 2 minutes. Il est malheureusement bientôt l'heure de nous quitter. Mais on va se quitter sur une nouveauté. Il s'agit d'un titre totalement inédit de Motorhead et une reprise du titre Heroes de David Bowie. Motorhead rend hommage à Lemmy Kilmister. Lemmy Kilmister, pour rappel, était le membre fondateur et permanent du groupe qui nous a malheureusement quittés en 2015. Et malgré son décès, mais les disques hommages continuent à pleuvoir, comme cet album de reprise enregistré par le groupe tout au long de sa prolifique carrière. Voilà, et donc cet album, pour rappel, qui est sorti tout début novembre, s'intitule Undercover, et je vous fais découvrir un peu en exclusivité cette version, cette reprise inédite de titre de Bowie. Mais auparavant, je vous souhaite le meilleur pour la semaine, je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, c'est-à-dire à 9h, mais petit changement, s'il est vrai que dorénavant notre rendez-vous est devenu hebdomadaire, par contre il sera légèrement écourté dans la durée, donc à partir de lundi prochain, notre émission Living in the Past se déroulera entre 9h et 11h30, qu'on se le dise. À bientôt. À bientôt donc, et portez-vous bien. Voici Motorhead. We'll be right back. Living in the Past. Le meilleur du classique. Hi, this is Jimmy Page of Led Zeppelin. You need me! Comme la pluie, tes amants de passage.